Le bonheur et les emplois vous accompagneront. Tous les démons s'éloignent de lui. Commentaire. Par les mots de Chongxie, on entend les démons, et, en général, toutes sortes d'esprits malfaisants. Les mots Yuanqi, s'éloignent de lui, signifient qu'ils se tiennent éloignés et n'osent lui faire du mal. On dit communément, si votre cœur est droit, vous pouvez arrêter les influences des mauvais esprits. On dit encore, si vous êtes doué d'une vertu solide, les démons et les esprits vous respecteront. Si donc les démons et les esprits respectent et craignent l'homme vertueux, comment oserait-il s'approcher de lui pour lui faire du mal? Histoire. Yiminute Kong, qui vivait sous la dynastie des Qin, appartenait à une famille qui, pendant une longue suite de générations, avait amassé de bonnes œuvres. Comme l'appartement qu'il habitait à Suzhou et qu'il avait appelé Tsukinkao, était continuellement infesté par de malins esprits, il s'établit dans un pavillon qu'il avait fait construire sur une montagne, pour se mettre à l'abri des chaleurs de l'été. Au milieu de la nuit, étant à moitié endormi, il vit à la clarté de la lune une troupe de démons qui buvaient ensemble. L'un devint le flairé, et dit à ses compagnons. La chair de cet homme répand une odeur exquise. Ce serait un mets délicieux. Un démon qui était assis à une place plus élevée lui dit, d'un ton courroucé. C'est Ming, l'homme de bien. Comment oserions-nous lui faire du mal? À ces mots ils s'enfuirent. King Xing, en se rendant au concours général, traversa un pays appelé Shanghua, où se trouvait une jeune fille, qu'obsédaient les malins esprits. King passa la nuit dans sa maison, et les esprits n'osèrent y entrer, mais ils revinrent aussitôt qu'il fut parti. La jeune fille leur en demanda la cause. « Nous avions peur du bachelier King, » répondirent-ils. La jeune fille en informa son père, qui courut après King Xing. Celui-ci écrivit sur un morceau de papier les quatre mots « King Tsing Zai Tse, King Tsing est ici » et lui conseilla de le coller sur sa porte. Dès ce moment les démons ne revinrent plus. Ces deux traits historiques prouvent que tous les démons s'éloignent de l'homme vertueux. Les esprits célestes l'entourent et le défendent. Commentaire. L'homme qui fait le bien touche, par sa vertu, les esprits du ciel et de la terre. S'il se trouve exposé à un malheur ou à un danger, ils viennent aussitôt le garder et le défendre. Histoire. Yang Kong était autrefois gouverneur de Huacheu. C'était un homme d'un caractère pur et intègre, et d'une humanité sans bornes. Avant appris, au milieu de la nuit, que le fleuve jaune avait rompu une de ses digues, il se mit à la tête de tous ses employés, et courut avec eux pour arrêter les ravages de l'inondation. Au plus fort du danger, ils aperçurent un vieillard, qui conduisait un bateau rempli de pieux et de planches, et qui se portait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour prêter secours aux travailleurs. Quand la digue fut réparée, Kong y chercha le vieillard, mais il avait disparu. Il reconnut alors que c'était un esprit. Sous le règne de Shang-Chi, dans l'année Kiao 1655, un homme nommé Kuching, qui demeurait à l'orient de la ville de Xinling, avait choisi pour son fils une épouse nommée Xianxi. Quand elle retourna, au bout de quelque temps, chez sa mère, une maladie contagieuse envahit le pays de son mari et se communiqua avec une rapidité effrayante. Les plus proches parents n'osaient se visiter les uns les autres. Kuching avait été atteint le premier par la contagion. Sa femme et ses enfants gisaient au lit et attendaient leur dernière heure. Xianxi, en ayant été informé, voulut partir immédiatement pour aller leur donner ses soins. Mais son père et sa mère firent tous leurs efforts pour la retenir. Un mari, répondit-elle, prend une femme pour l'aider à servir son père et sa mère pendant leur vie, et à leur rendre les honneurs funèbres après leur mort. Maintenant mon beau-père et ma belle-mère sont dangereusement malades. Si j'avais le cœur assez dur pour ne point retourner vers eux, je ressemblerais à une bête fauve. Je pars, et si je meurs, je n'ose point espérer que mon père et ma mère viendront me visiter. À ces mots, elle partit seule. Le lendemain, elle vit une troupe de démons qui disaient : Les esprits célestes protègent le retour de cette femme, qui est douée d'une rare piété filiale. Nous commettrions un crime énorme si nous ne nous éloignions pas de son chemin. Le dévouement de cette femme préserva 8 personnes d'une mort certaine. Il réussit dans toutes ses entreprises. Commentaire. Les mots sotso, ce qu'il fait ou entreprend, s'appliquent aux bonnes actions. Lorsqu'un homme ne réussit point dans ce qu'il entreprend, c'est que sa vertu n'a point de base solide, et que ses bonnes pensées sont fugitives comme une vapeur légère. B. Mais si la vertu de l'homme s'accorde avec les intentions du ciel, il réussira dans toutes ses entreprises. Histoire. L'aïeul de Shepenning ou Sheyongning, qui était originaire du district de Yin, exerçait la profession de marchand de bois. Un jour, les magistrats de la ville décidèrent la construction d'un pont de pierre qui devait coûter environ 4000 onces d'argent. Shay conçut le projet d'entreprendre cette construction à ses propres frais, mais les fonds qu'il possédait ne s'élevaient qu'à 4000 onces d'argent. Il avait acheté du bois qui était encore sur pied. Il alla pour vendre promptement son bois et revenir se mettre à l'œuvre. Quand il fut arrivé en cet endroit, le prix du bois se trouva considérablement augmenté. Il retira 2 fois la valeur de son bois et acheva la construction du pont sans toucher à son capital. On a raison de dire que, lorsqu'un homme forme un souhait vertueux, le ciel ne manque jamais d'en favoriser l'accomplissement. Il peut espérer de devenir immortel. Commentaire. Tongyang Tseming disait : Si un homme doué d'une grande droiture et d'une grande piété filiale quitte la vie aujourd'hui, demain il montera au rang des immortels. Chong Litsu disait : Les immortels cherchent les hommes avec plus d'empressement que les hommes eux-mêmes ne cherchent les immortels. Cheng Yang Tzu disait : Les hommes nous cherchent partout jusqu'aux extrémités de l'univers. Cependant, je suis allé jusqu'aux bornes du monde, j'ai cherché partout, et je n'ai pas vu un seul homme. On voit par là que l'homme véritablement vertueux obtient non seulement le bonheur, les emplois et une longue vieillesse, mais qu'il peut même espérer de devenir immortel. Histoire. Sous la dynastie des Tang, Li Lié se révolta à l'époque où Yan Qingqing était président d'un des 6 tribunaux suprêmes. Lien s'y fit un rapport à l'empereur pour l'informer de cet événement. Comme Li Lié avait un caractère féroce, l'empereur pensa que Qingqing, qui s'était rendu célèbre par ses vertus, était le seul homme qui pût lui en imposer et l'engager à faire sa soumission. Il le chargea donc de porter ses ordres à ce sujet rebelle. Il y éleva un bûcher au milieu de sa cour et lui dit : Si vous ne m'obéissez pas, je vous fais jeter dans le feu. Qingqing lui lut les ordres de l'empereur, qui sévit contre les méchants, et comble de bienfaits les hommes vertueux. Il lui rappela ensuite les devoirs que les sujets sont tenus de rendre à leur souverain, et se précipita dans les flammes. Les rebelles furent frappés de stupeur, et le retirèrent eux-mêmes du milieu du feu. Qingqing, connaissant le danger de sa position, écrivit un rapport avant de mourir, et composa lui-même son épitaphe. Il persista jusqu'à la fin à ne point vouloir s'asseoir en face de ces brigands. Ceux-ci les pendirent pour se venger de son mépris. Les rebelles ayant fait leur soumission, transportèrent eux-mêmes son corps, pour qu'on pût lui rendre les honneurs funèbres. Le bois du cercueil se pourrit, mais le visage de Chin King resta aussi vermeil que s'il eût été encore vivant. Un Taosé, nommé Ingopo, s'écria en le voyant. Tirekedre atteint l'état de son corps, montre qu'il a été élevé au rang des immortels. Quelque temps après, un serviteur de Chin King vit son maître se promener dans le palais, et l'on reconnut alors qu'il était devenu immortel. Il y avait un homme de Qiangyang, nommé Kikyo, dont le père était marchand de riz. Kyo n'avait encore que 15 ans lorsque son père le mit à la tête de son commerce. Lorsque quelqu'un lui achetait du riz, il lui présentait le boisseau et l'engageait à mesurer lui-même. Il se contentait de gagner quelques deniers sur chaque boisseau, pour nourrir son père et sa mère. Kyo vécut jusqu'à l'âge de 80 ans, sans dévier de cette ligne de conduite. Il arriva qu'un ministre d'État nommé comme lui Kikyo, partit pour aller gouverner le pays de Huainan. Kyo se cacha et changea son nom en celui de Kikuan. Un jour le ministre Kikyo rêva qu'il entrait dans un palais souterrain, où il vit une table d'or, sur laquelle était écrit le nom de Kikyo. Il en fut ravi de joie. Il aperçut tout à coup un jeune homme à qui il demanda le nom du lieu où il se trouvait. « Vous êtes, lui répondit-il, dans la grotte céleste appelée Ouayang Tongtia. Ce nom que vous voyez n'est point le vôtre, c'est celui d'un simple particulier de Qiangyang. » Le lendemain, le ministre fit chercher cet homme qui portait le même nom que lui, et le trouva. Il lui demanda alors ce qu'il avait fait pour que son nom fût inscrit dans le palais des dieux. Kikuan lui raconta la conduite qu'il avait tenue lorsqu'il vendait du riz. Le ministre fut transporté d'admiration en entendant ce récit. Kikuan vécut au-delà de 100 ans. 3 jours après sa mort, son cercueil s'ouvrit subitement. Quand on y jeta les yeux, le corps avait disparu. Si les hommes peuvent remplir fidèlement les devoirs de la justice et de la piété filiale, s'ils accumulent des vertus et entassent des mérites, il n'en est pas un seul qui ne puisse espérer de devenir immortel. Si l'on veut devenir un immortel du ciel, il faut faire 1300 bonnes œuvres. Si l'on veut devenir un immortel de la terre, il faut faire 300 bonnes œuvres. Commentaire. Nous avons vu dans le texte précédent que celui qui fait le bien peut espérer de devenir immortel. Ce paragraphe montre le chemin que doit parcourir, les actions que doit faire celui qui aspire à devenir immortel. Par Tiancien, immortel du ciel, on entend cette classe d'immortels qui peuvent s'élever au ciel et voler au milieu des airs. L'expression Titien 15-16 « immortel de la terre » désigne les immortels qui restent sur la terre pour y jouir d'une vie éternelle et que la mort ne peut atteindre. Le mot « li » 7 « établir, fonder » veut dire faire le bien avec toute la franchise et la sincérité de son cœur. Ce n'est point faire le bien pour obtenir une récompense ou acquérir une vaine renommée. 1300, c'est le nombre des bonnes œuvres requises pour arriver au rang des immortels du ciel. Le Tao King dit, si un homme a fait une bonne œuvre, tous les esprits l'amplifieront. S'il a fait 10 bonnes œuvres, le Dieu qui préside à la vie lui amassera des périodes de 100 jours. S'il a fait 100 bonnes œuvres, le Dieu Tongo inscrira son nom. S'il a fait 1000 bonnes œuvres, Son bonheur remontera jusqu'à son septième ancêtre. Si ses bonnes œuvres vont jusqu'à 10 000, il pourra s'élever au ciel en plein jour. Histoire et Chongli Kaozu avait donné à Lien Tzu la pierre des immortels, dont il suffisait de toucher le fer pour le convertir en or, et lui dit qu'il pourrait employer ce métal précieux à soulager les hommes. Lien Tzu lui demanda si cet or se changerait un jour, ou s'il se conserverait dans toute sa pureté. Tirekèdre atteint dans 500 ans, lui répondit Chong, il redeviendra fer. Ce changement, reprit Lien Tzu, nuira aux hommes qui naîtront dans 500 ans. Je ne veux point étudier l'art que vous enseignez. Pour devenir immortel, lui répondit Chong avec l'accent de l'admiration, il faut avoir amassé 3 000 mérites et 800 actions vertueuses. Les paroles que vous venez de prononcer vous en tiendront lieu. Former des pensées contraires à la justice, et agir contre la raison. Commentaire. Le mot « i » 3, justice, désigne ici ce qui est commandé par la raison, les convenances, le devoir. Le mot « tong » 5, exprime ici l'action de concevoir une intention, de former une pensée. Le mot « ing » 9, veut dire faire une chose. Tout homme qui fait une action, a dû auparavant concevoir la pensée au fond de son cœur. Si l'on forme une mauvaise intention, si l'on conçoit une mauvaise pensée, on finira nécessairement par faire de mauvaises actions. C'est pourquoi Lao Tzu enseigne d'abord aux hommes à conserver la droiture du cœur. Dès que notre cœur est droit, nous ne faisons pas une action qui ne soit droite, c'est-à-dire conforme à la droite raison. Nous voyons dans le texte précédent que celui qui fait de bonnes actions reçoit le bonheur pour récompense. Mais si les hommes manquent à la justice, s'ils résistent à la raison, s'ils font les centaines de mauvaises actions énumérées depuis ici jusqu'à cette partie du texte, faire périr des tortues et tuer des serpents, quoique beaucoup de ces actions ne soient pas toutes de la même gravité, il leur sera impossible d'échapper à tous les malheurs qui doivent en être la punition. Histoire dans la garnison de la ville de Xiuhui-Xiuan, il y avait un homme appelé Fan Qi, qui faisait une multitude d'actions contraires à la justice. Il engageait les hommes à se susciter des querelles ou des procès, à s'emparer de vive force des biens des autres, et à déshonorer leurs femmes et leurs filles. S'il n'y réussissait pas, il employait les plus odieux stratagèmes pour arriver à son but. Mais un jour il mourut subitement, et revint à la vie 24 heures après. Il ordonna à sa femme de rassembler ses parents et ses voisins, et leur raconta qu'il avait vu le roi du sombre empire, qui lui dit: les morts reçoivent ici le châtiment de leurs crimes, les vivants ignorent le sort qui leur est réservé. Ils sont jetés dans un brasier dont l'ardeur est proportionnée à la gravité de leurs crimes, ou du mal qu'ils ont fait à leurs semblables. Tous les assistants conçurent des doutes sur ce récit, et refusèrent d'y ajouter foi. Or, comme Fan Qi avait comblé la mesure de tous les crimes, le roi des enfers voulut se servir de lui pour effrayer les hommes par son exemple. Fan Qi prit aussitôt un couteau, et se mutila lui-même en disant: « Tirekèdre atteint, voilà mon châtiment pour avoir excité les hommes à la débauche. » Il se creva les deux yeux en disant: « Tirekèdre atteint, voilà mon châtiment pour avoir regardé mes parents d'un air courroucé, et avoir jeté des regards coupables sur les femmes et les filles des autres. » Il se coupa la main en disant: « Tirekèdre atteint, voilà mon châtiment pour avoir tué une multitude d'animaux. » Il s'ouvrit les entrailles et s'arracha le cœur en disant: « Tirekèdre atteint, voilà mon châtiment pour avoir fait périr les autres par des stratagèmes cruels. » Enfin, il se coupa la langue pour se punir d'avoir trompé les hommes et de les avoir accablés d'injures. Le bruit de cet événement se répandit au loin, et l'on accourait de toutes parts pour voir ce malheureux. Sa femme et ses enfants, couverts de honte, fermèrent la porte pour empêcher de le voir. Fanki leur dit d'une voix inarticulée, « Tirekedratin, je n'ai fait qu'exécuter les ordres du roi des enfers, qui veut se servir de moi pour effrayer les hommes par mon exemple. De quel droit les empêcheriez-vous de me voir ? Pendant 6 jours, il se roula par terre au milieu des plus horribles douleurs. Au bout de ce temps, il se trouva réduit à l'état de squelette et mourut. On voit par là quels châtiments sont réservés aux crimes. Comment les hommes oseraient-ils violer la justice et agir contre la raison ? Regardez la méchanceté comme une preuve de talent. Commentaire. Le mot ngo a veut dire méchant. Il s'applique ici aux hommes d'un caractère violent et cruel. Le mot nang, 4, signifie ici adroit, habile. Celui qui regarde la méchanceté comme une preuve de talent fera des actions cruelles pour subjuguer les autres hommes. S'il voit en vous cette mauvaise qualité, il vous représentera que vous avez la même habileté que lui et vous engagera à l'imiter. Si un homme forme une mauvaise pensée, s'il fait une mauvaise action, on peut encore espérer qu'il se repentira de sa conduite et qu'il rentrera dans la bonne voie. Mais si vous regardez sa méchanceté comme un talent louable, il se plaira à faire le mal et n'aura point de repos qu'il n'ait accompli ses mauvais desseins. Il est évident que cet homme bannira de son cœur toute espèce de bonne pensée. Comment ne serait-il pas puni du mal qu'il a fait ? Histoire comme j'allais à la capitale, disait Qin Liang Megaokte, pour obtenir le grade de docteur, le bateau s'arrêta un jour près du rivage du fleuve Qiang. Ceux qui naviguaient avec moi étaient tous mes condisciples. Tout à coup j'entendis un homme du bateau se quereller et se battre avec un habitant de l'endroit. Je vis que c'était mon domestique. Je lui adressai de légers reproches, et j'engageai doucement l'étranger à se retirer. Aussitôt un de mes camarades accourut, et lui dit d'un ton courroucé. « Qui es-tu pour monter sur notre bateau et piller nos effets ? Comment oses-tu accuser un homme attaché à notre service de t'avoir frappé ?» À ces mots, il l'accabla d'injures et de mauvais traitements. L'étranger demanda grâce en pleurant, et se retira. Tous ceux qui étaient dans le bateau applaudirent à la conduite violente de leur camarade et vantèrent son habileté. Lui-même, se regardant comme un homme doué et de rares talents, m'adressa la parole et me dit. D'où vient, mon ami, cette molle indulgence? Bientôt vous allez obtenir une charge, et tout votre mérite devra consister à montrer de l'habileté, de la prudence. Quant à cette bonté naturelle, cette raison qu'on dit émaner du ciel, tout cela n'est bon à rien. Je ris de ses paroles, mais je ne lui répondis point. Dans la suite, cet homme fut nommé juge d'instruction. Il abusait de son habileté pour tyranniser le peuple. Bientôt après, il tomba en disgrâce et fut destitué. Ce n'est pas tout. Il n'eut point de fils, ses affaires se dérangèrent et il finit par être ruiné. Après cet exemple, comment pourrait-on regarder la méchanceté comme une qualité louable ? Et mépriser la bonté naturelle et la raison que le ciel a mise en nous, avoir un cœur inhumain, et traiter les autres avec cruauté. Commentaire. Le mot jin veut dire ici avoir un cœur inhumain, un cœur cruel. L'expression zhanai signifie blesser et tuer. Celui qui a le cœur assez cruel pour blesser les animaux et immoler ses semblables, montre qu'il est dépourvu de tout sentiment d'humanité. Comment pourrait-il échapper à son châtiment ? Histoire. L'impératrice Wu, de la dynastie des Tang, s'étant emparée de l'autorité suprême, chargée Che Wing et Lai Tzu-Chin d'exécuter ses vengeances. Toutes les fois qu'il jugeait un accusé, il le traitait avec la dernière rigueur. Ils outrepassaient toujours la loi dans l'application des peines, et faisaient mourir les condamnés avec un raffinement de cruauté. Quand ils instruisaient une affaire criminelle, ils enveloppaient une foule de personnes dans la même accusation, et faisaient mourir plusieurs milliers d'hommes. Dans la suite, Che Wing ayant été envoyé en exil, il fut tué sur la route par un de ses ennemis. Zhu Qin fut décapité en punition de ses crimes. Sous la dynastie des Song, Zhuan se rendit maître de Qiangcheu. Pour châtier les habitants de la ville principale de ce qu'ils avaient refusé de se rendre, il les fit tous massacrer. En mourut bientôt après, et ses enfants furent réduits à demander l'aumône. On voit par là qu'il ne faut ôter la vie ni aux hommes du peuple, ni en général à aucun être vivant. Zhai Xiang, qui vivait sous la dynastie des Song, aimait à manger des cailles. Au milieu de la nuit, il rêva qu'un jeune homme vêtu de jaune, lui disait « Demain je dois perdre la vie. Je vous supplie, Seigneur, de me faire grâce. » Xiang lui ayant demandé qui il était, il répondit par huit vers dont voici le sens. Tirekedratin, je mange quelques grains de millet afin de fournir à votre table quelques bouchées de viande. Un seul bouillon coûte la vie à plusieurs êtres vivants, et encore n'est-ce pas assez pour apaiser votre faim. Cette avidité coupable fera succéder le malheur à la prospérité dont vous jouissez. Je vous en prie, Seigneur, gardez-vous de faire périr des animaux. La mort et la vie alternent rapidement comme la roue qui tourne sur son axe. Il s'éveilla et alla visiter sa cuisine, où il trouva plusieurs dizaines de cailles qu'il mit aussitôt en liberté. La nuit suivante, il vit en songe une troupe d'hommes vêtus d'une étoffe grise, qui lui dirent avec l'accent de la reconnaissance. Grâce à votre bonté, Seigneur, nous avons obtenu la vie. Nous avons prié pour vous le Maître du Ciel, qui a décidé que vous obtiendriez une charge éminente et un riche traitement. Dans la suite, Zhai Xiang parvint à la dignité de ministre d'État. Wang Yu coupa la langue d'une pie dont les cris l'importunaient. Dans la suite, il mourut d'un ulcère à la langue. Chang Yilin, irrité contre des grenouilles qui troublaient son repos, les arrosa d'eau de chaux bouillante. Quelque temps après, il tomba dans une chaudière d'eau bouillante